Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'énigme de la tueuse sans visage, dossier connu également sous le nom de Fantôme de Heilbronn. Entre 1993 et 2009, la police allemande traque sans relâche une mystérieuse criminelle qui sillonne le pays, abandonnant derrière elle cadavres, portes fracturées, seringues de drogue usagées, voitures volées, j'en passe. D'elle, les enquêteurs ne savent rien. Ils ne disposent d'aucune information sur son identité, d'aucune description sur son apparence. Le seul élément qu'ils possèdent, c'est son ADN retrouvé sur 32 scènes de crimes ou délits en Allemagne, en Autriche et en France. D'affaires régionales, l'énigme de la tueuse sans visage se transforme en psychose nationale lorsqu'en 2007, à Heilbronn, on tombe une nouvelle fois sur l'ADN de cette criminelle dans le meurtre de deux policiers. Dès lors, une course contre la montre s'engage pour mettre hors d'état de nuire ce fantôme du crime. Une centaine d'enquêteurs sont mobilisés outre-Rhin et dans les zones frontalières. Et c'est par une incroyable coïncidence que 2 ans plus tard, la police va finir par retrouver la trace de la tueuse sans visage et révéler un scénario que personne n'avait envisagé. 2 invités aujourd'hui pour en parler, Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste des dossiers criminels et des tueurs en série. Son dernier livre, L'Ogre des Ardennes, est paru chez Grasset au mois de novembre dernier. Et en duplex de Chambéry, Jacques Hébrard, général de gendarmerie. Il a participé à la création de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara. Coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 25 avril 2007, Heilbronn, sud-ouest de l'Allemagne. Il est un peu plus de 14h lorsque des dizaines de véhicules de police convergent, toutes sirènes hurlantes, vers le grand parking de Theresienwiese. Sur place, des agents en uniforme dressent un large périmètre de sécurité autour d'un petit bâtiment de couleur ocre. Ailleurs, dans la ville, les carrefours sont bloqués. Sur les avenues, des barrages filtrants sont installés. Chaque véhicule est fouillé, chaque conducteur inspecté. Aux entrées de l'agglomération, des hommes cagoulés et armés de fusils mitrailleurs appartenant aux unités d'intervention de la police empêchent les voitures de passer. Enfin, au-dessus de Heilbronn, résonne le bourdonnement d'hélicoptères. On croirait une ville en état de siège. En cette journée ensoleillée, nombreux sont les habitants qui profitent de leur pause déjeuner à la terrasse des cafés ou dans les parcs. Chacun d'entre eux assiste alors, éberlué, à ce déploiement de forces aussi intrigant qu'inquiétant. Il suffit de voir à quel point les 6000 policiers qui ratissent la ville semblent tendus. Pour n'en rien arranger, les lignes téléphoniques sont saturées et aucun bus ne circule. Au fil des minutes, alors que la préoccupation gagne les riverains, une première rumeur se répand. Ce serait un braquage qui aurait mal tourné. Rumeur suivie quelques instants plus tard, d'une autre, selon laquelle il pourrait s'agir d'un attentat ou d'une tentative. Bref, la confusion est totale. Il faut attendre l'arrivée des équipes de télévision pour qu'enfin chacun comprenne ce qui se trame. Une heure plus tôt, en effet, sur le parking attenant à la fête foraine, en bordure de la rivière, 2 jeunes officiers de police ont été la cible d'une fusillade. D'après les informations dont disposent les journalistes, le premier aurait été tué, le second héliporté en catastrophe vers l'hôpital. À quelques centaines de mètres de là, sur le parking de Theresienwiese, à proximité d'un petit local en briques rouges, derrière des bâches blanches, l'équipe de la police scientifique est à pied d'œuvre. Lampe ultraviolet dans une main et bâtonnet de relevé de résidus dans l'autre, les techniciens inspectent chaque centimètre carré de la carrosserie et de l'habitacle de la voiture des 2 policiers. Ils prennent des photos, dessinent des schémas, tout est soigneusement étiqueté, emballé, rangé. C'est dans cette voiture de patrouille que gisaient les corps et les têtes ensanglantées des 2 agents, lorsqu'un cycliste, qui passait par là, les a découverts. Parmi les premiers arrivés sur les lieux, après l'alerte, le commissaire principal Rainer Koller. Il est sous le choc. C'était horrible. Un meurtre, c'est toujours épouvantable. Mais là, voir une collègue couverte de sang, une collègue qui porte exactement le même uniforme que vous, allongée sur le sol, baignant dans son sang, c'est insupportable. Grâce au numéro d'identification de la voiture, les enquêteurs mettent très vite un nom sur le corps de la conductrice. Elle, c'était l'agent Michel Kiesvetter, 22 ans. Le relevé balistique est formel. La jeune femme a été abattue à bout portant, une balle dans la tête. À côté d'elle, son collègue, Martin Arnold, 25 ans. Il a reçu une balle dans la nuque. À l'arrivée des secours, Michel Kiesvetter ne respirait plus. Martin Arnold, lui, était dans un état désespéré. C'est la première fois depuis 50 ans qu'un policier est tué en service à Heilbronn. La première fois aussi en Allemagne, depuis la fin des années sanglantes de la fraction Armée Rouge, que des hommes en uniforme sont victimes d'un acte d'une telle violence. Face à l'inquiétude que ce crime suscite dans l'opinion, le chef de la police désigne un flic de choc pour diriger l'enquête. Le commissaire Frank Huber. À 40 ans, le patron de la section criminelle de Heilbronn est considéré comme un modèle de rigueur et de pragmatisme. Il analyse les faits et exploite les indices avec brio. Il suit les pistes sans jamais les lâcher. Bref, c'est un pur produit de l'école de police à l'allemande. À peine ouvre-t-il le dossier brûlant de cette enquête qu'il fait distribuer 100 000 flyers à la population. Tracts sur lesquels on peut lire « Avis à tous les habitants d'Heilbronn. Dans le cadre de son enquête sur la fusillade du parking Theresienwiese, la police demande à toute personne qui croit avoir vu ou entendu quelque chose à proximité des lieux de se présenter au commissariat de police le plus proche. Une récompense de 50 000 euros sera offerte par la police à toute personne qui permettra de faire avancer l'enquête. » En ce début de soirée du vendredi 25 avril, la fusillade Heilbronn fait évidemment l'ouverture de tous les journaux télé en Allemagne. Face aux caméras et micros, le ministre de l'Intérieur et la chancelière Angela Merkel font part de leur effroi. Que peuvent-ils dire d'autre ? Au même moment, au siège central de la police d'Heilbronn, le commissaire Frank Huber réunit ses hommes. Autour de la table, les mines sont graves. D'après le dernier bilan des médecins, l'agent Martin Arnold, la seconde victime de la fusillade, est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital. Et malgré d'importants moyens mobilisés pour l'enquête, avec plus de 300 auditions réalisées en quelques heures, les informations dont dispose la police restent très maigres. La toute première piste envisagée, celle d'une vengeance du milieu du crime organisée contre l'agent Michel Kiesvetter, est vite écartée. À Heilbronn, les caïds n'ont pas les épaules pour s'attaquer à des policiers, encore moins en plein jour, sur un parking public, avec des méthodes de turadage. Alors quoi ? Un crime crapuleux ? L'acte d'un déséquilibré ? La piste est crédible. D'autant plus que sur le lieu du crime, les armes de service et les menottes des deux agents ont disparu. Alors que les enquêteurs débattent et s'écharpent, parfois, tantôt sur le mobile, tantôt sur les hypothèses, un homme en uniforme entre dans la pièce. Il remet au commissaire Huber le tout premier rapport d'expertise de la police scientifique, un document qui contient quelques éléments étonnants. Au moment de la fusillade, les deux fonctionnaires étaient, semble-t-il, en train de déjeuner à bord de leur véhicule, les vitres avant baissées à cause de la chaleur. D'après la position de la voiture sur le parking, d'après l'angle de vue qui était le leur, masqué en partie par le bâtiment en briques, tout porte à croire que l'équipage a été victime d'un guet-apens. L'officier Kiesvetter, assise à l'avant-côté conducteur, a reçu le premier coup de feu tiré à une distance de moins d'un mètre sur la partie gauche de son crâne. Son collègue, l'officier Arnold, assis à l'avant sur le siège passager, a reçu le second projectile tiré à une distance de moins d'un mètre sur la partie droite de sa tête. Concernant les balles, l'analyse est formelle, elles ne proviennent pas de la même arme. De plus, vu la manière dont les coups de feu ont été tirés, de chaque côté du véhicule et vraisemblablement au même moment, il est probable qu'il y ait eu deux tireurs. Dans ce rapport, on découvre également que les techniciens de la police scientifique ont relevé des traces d'ADN sur le tableau de bord et sur l'une des portières du véhicule. Des analyses sont en cours pour déterminer à qui cette empreinte génétique appartient. Car évidemment, dans une enquête sans témoin, et faute de pistes crédibles, l'ADN est le seul espoir pour le commissaire Franck Hubert. Mercredi 16 mai 2007, siège central de la police d'Heilbronn, bureau des affaires criminelles. 3 semaines se sont écoulées depuis la fusillade du parking Theresienwiese. Autant de jours pendant lesquels la police n'avait fait aucun progrès, jusqu'au moment où 2 coups de téléphone font prendre à l'enquête un tournant décisif. En fin de matinée, première sonnerie. Le commissaire Hubert décroche, à l'autre bout, le chef du service de réanimation d'hôpital. Martin Arnold, le second policier, vient de sortir du coma. Problème, toutefois, explique le médecin, il ne garde aucun souvenir de l'attaque, ni même des instants qui l'ont précédé. Dans les heures qui suivent, second coup de téléphone. Cette fois, c'est le chef du département de la police scientifique d'Heilbronn. Et lui semble porteur d'une bonne nouvelle. Ses équipes ont trouvé une correspondance entre l'ADN relevé dans la voiture des 2 policiers et un profil qui figure dans le fichier criminel. Alors, de qui s'agit-il, Lance Hubert ? Silence. Puis l'homme au téléphone répond d'une voix inquiète. « Commissaire, vous n'allez pas me croire, cet ADN appartient à une personne qui n'a pas de nom. Je ne suis pas sûr que cette correspondance soit une bonne chose pour votre enquête. » Hubert écoute attentivement les explications fournies par son collègue, et là il comprend. C'est une tueuse en série qui a tué et gravement blessé ses 2 collègues. Aux médias, il explique que son enquête suit désormais une piste crédible. Après plusieurs semaines de recherches intensives, nous avons découvert de nombreuses traces ADN, dont celle d'une personne de sexe féminin déjà impliquée dans une 30aine d'affaires. Oui, et voilà 14 ans que la police traque cette mystérieuse tueuse sans visage, sans âge, sans identité. Au dire des experts comportementalistes qui se sont penchés sur son cas, la personne recherchée serait une prédatrice cruelle aux pulsions imprévisibles et aux mobiles insaisissables. Tellement insaisissables d'ailleurs qu'ils l'ont surnommée Das Phantom. Facile à traduire, le fantôme, tant elle apparaît puis disparaît des scènes de crime sans laisser la moindre trace autre que son ADN. Pire, cette routarde du crime n'hésite pas à franchir les frontières pour commettre ses crimes ou délits. Elle aurait frappé à plusieurs reprises en Autriche. Son nom apparaît également en France dans un étrange dossier de cambriolage. Pour le commissaire Hubert et ses hommes, l'enquête sur la fusillade Heilbronn prend alors une toute autre dimension. Face à un dossier aux ramifications tentaculaires, ils vont devoir s'armer de patience et se replonger dans chacun des précédents crimes déjà commis par la tueuse pour tenter de cerner son profil et ainsi remonter sa trace. Dans cette affaire, tout aurait commencé au mois de mai 1993, à 150 km de Heilbronn, dans un village du sud-ouest de l'Allemagne. C'est ici, au premier étage d'un petit immeuble d'habitation, que les policiers découvrent le corps sans vie d'une retraitée de 62 ans, Liselotte Schlenger. La sexagénaire gît dans sa salle à manger, allongée sur le dos, à moitié déshabillée. La scène du crime est sordide. Le visage de la vieille dame est tuméfié, son regard s'est figé dans une expression d'épouvante au moment où elle est morte, et elle porte des traces de strangulation. En inspectant le corps, les policiers découvrent aussi qu'au niveau du pubis de la victime, un t-shirt coloré semble avoir été soigneusement plié et déposé. Après examen par le médecin légiste, il apparaît que Liselotte Schlenger n'a pas été violée. Alors pourquoi une telle mise en scène ? Et surtout, pourquoi un tel acharnement sur une personne vulnérable ? L'armoire du salon était ouverte. Je pense qu'on lui a volé de l'argent. Mon mari a vu son corps allongé sur le sol. Elle avait un fil de fer tout autour du cou. C'est comme ça qu'ils l'ont tué. Les policiers apprennent que dans les jours qui précèdent le crime, la victime a retiré une importante somme d'argent à la banque. Comme son appartement semble avoir été fouillé de part en part, la police pense à un vol qui aurait mal tourné. Élément troublant, toutefois, le chien de la victime n'a, au dire des voisins, pas hurlé de toute la journée. Alors, la retraitée connaissait-elle ses agresseurs? Leur a-t-elle ouvert la porte? Que s'est-il passé ensuite? Impossible de le dire. Faute d'indices, les enquêteurs se tournent vers l'arme fatale, les traces ADN. Sur l'une des tasses, dans la cuisine, on a retrouvé de la salive. Après analyse, l'ADN parle et affirme sans l'ombre d'un doute qu'il appartient à une femme. Est-elle pour autant liée au meurtre de Liselotte Schlenger? Impossible de le prouver. Aussi, pendant 8 ans, en l'absence d'autres éléments, l'enquête piétine, la mystérieuse tueuse disparaît des écrans radars. Il faut attendre le mois de mars 2001 pour qu'elle fasse reparler d'elle. À 500 km de là, à Fribourg, un retraité de 60 ans est retrouvé mort chez lui. Étranglé avec une ceinture, on lui a fracassé le crâne et on lui a volé son argent. Le mode opératoire ressemble à celui du meurtre de Liselotte Schlenger. Mais là encore, aucun témoignage, aucun indice, aucune empreinte, à l'exception, si j'ose dire, car c'est en fait l'essentiel, de fragments d'ADN qu'on retrouve dans des gouttes de sueur sur des portes de placard. Et là encore, l'analyse est formelle, cet ADN appartient à la même personne soupçonnée d'être impliquée dans le meurtre de Liselotte Schlenger. Ensuite, tout s'accélère. 6 mois plus tard, à la fin de l'année 2001, l'ADN de la mystérieuse femme est découvert cette fois en bordure de la forêt de Gerolstein, sur une seringue abandonnée ayant servi à injecter de l'héroïne. Pour payer ses doses, la tueuse présumée aurait besoin d'argent. Elle serait donc prête à voler, à cambrioler et même à tuer. Et puis, à l'automne 2002, on relève son ADN ici et là, à la fenêtre fracturée d'un bureau cambriolé ou sur le bouchon de réservoir d'une voiture qui a disparu. Autant de crimes et délits, voire petits larcins, qui semblent ne répondre à aucune logique, y compris lorsqu'on les place sur une carte, comme en témoigne le procureur Jürgen Brauer. Il n'y a pas d'explication logique. C'est incompréhensible. Lorsque l'on regarde toutes les traces ADN qu'elle a laissées derrière elle, on ne peut pas dire que c'est une grande professionnelle. Septembre 2004, Arbois, Jura, France. Un couple de commerçants d'origine asiatique est agressé et séquestré à son domicile par des malfaiteurs. Ces derniers dérobent une somme de 3000 euros en liquide, des bijoux et un lingot d'or. Les gendarmes interpellent très vite 4 hommes. Placés en garde à vue, les suspects avouent. Bien, l'affaire aurait pu en rester là. Sauf que lors de l'expertise scientifique pratiquée dans la maison du couple, on découvre la présence de l'ADN de la tueuse fantôme. L'empreinte génétique se trouvait sur un pistolet factice. Mais ce qui intrigue les enquêteurs allemands, c'est que durant leur procès, les 4 accusés sont catégoriques. Ils n'étaient pas accompagnés d'une femme ce jour-là. Alors, pourquoi l'ADN de la tueuse s'est-il retrouvé sur le lieu de leur délit? Un mystère de plus, dans une enquête qui continue de naviguer en eau trouble et qui semble surtout mener les policiers en bateau. Printemps 2006, Autriche. La police locale enquête sur plusieurs délits. Un casse dans un supermarché, un vol dans un hôtel et le braquage d'une bijouterie. À première vue, ces événements n'ont aucun lien entre eux. À première vue seulement, car sur place, les experts de la brigade scientifique autrichienne retrouvent des empreintes génétiques. Et après analyse, on découvre que c'est encore celui de la tueuse fantôme que son ADN suit à la trace, c'est son rôle. Quelques mois plus tard, à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Sarrebruck, en Allemagne, que détecte-t-on sur une pierre? Une trace ADN. Laquelle? La sienne, mais oui, récoltée cette fois sur un caillou pas plus grand qu'une main, dont on s'est servi pour briser une vitre et pénétrer par effraction dans un immeuble de bureau. Mais la surprise, un témoin parfaitement crédible, d'après les policiers qui l'ont interrogé, a tout vu. L'homme travaillait lorsqu'il a entendu une fenêtre en verre se briser. Il aurait alors regardé dehors et là, il affirme avoir vu non pas une cambrioleuse, mais bien un cambrioleur s'enfuir en courant. Aux enquêteurs, il livre une description qui permet d'établir un tout premier portrait robot. Le suspect serait un homme d'1m70-80, il serait jeune, athlétique. Sur l'avis de recherche diffusé par la police, on distingue le visage. Fins sourcils, cheveux courts et petite barbe sur le menton. Dans les bureaux de la police criminelle Heilbronn, le commissaire Frank Huber et ses hommes sont sidérés. Car ce témoignage remet en question toute leur enquête. Doivent-ils continuer à rechercher une femme ou bien la tueuse serait-elle transsexuelle? Pourquoi pas? Mais le commissaire Huber, lui, demeure convaincu du profil de la personne qu'il recherche. Lorsqu'on regarde les résultats des analyses scientifiques des chercheurs allemands et autrichiens, on est sûr à 100% qu'il s'agit bien d'une femme. Mais nous n'excluons pas, d'après certains éléments de l'enquête, qu'elle se déguise en homme. Au début de l'année 2008, dans l'enquête sur la fusillade à Heilbronn et la traque de la tueuse fantôme, un constat s'impose. Malgré plus de 2400 pistes étudiées en Allemagne, en Autriche, mais aussi en France, malgré plus de 4000 auditions réalisées, malgré aussi plus de 1000 vérifications d'ADN chez des délinquantes, des détenus encore en prison ou plus simplement des personnes connues des services de police, l'enquête menée par le commissaire Frank Huber et par les policiers de Heilbronn est dans l'impasse. Ce qui veut dire que la tueuse fantôme court toujours. Au fil de ses investigations, la police lui attribue désormais 6 meurtres et au moins une vingtaine de cambriolages. Face à elle, une cinquantaine de policiers d'élite de la section de recherche criminelle, assistés d'une cellule de psychologues, profileurs et d'experts d'Interpol, travaillent à plein temps pour l'arrêter. Excédée, la justice allemande va jusqu'à offrir la somme record de 300 000 euros à quiconque permettra de l'identifier ou de la retrouver. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité d'aujourd'hui, la police criminelle d'Eppenheim a repêché dans le Rhin les corps de trois hommes de nationalité géorgienne. Deux d'entre eux ont été tués d'une balle dans la tête, le troisième a manifestement été étouffé ou étranglé. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée par les enquêteurs. Il y a 6 mois, une autre fusillade avait coûté la vie à une policière de 22 ans et blessé gravement son coéquipier de 25 ans à Heilbronn. Février 2008, Heppenheim, province sud-ouest de l'Allemagne. Depuis le début de la matinée, la police est à pied d'œuvre le long des berges du Rhin. Les hommes de la brigade fluviale ont déjà remonté 3 corps. Et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des vêtements ou des sacs ayant appartenu aux victimes et sur lesquels se trouveraient d'éventuels indices. Quelques jours auparavant, la section de recherche criminelle de la police de Francfort avait arrêté un homme d'origine irakienne à l'aéroport. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir commandité ou participé, ou les deux, au meurtre de ces 3 Géorgiens dans une sombre affaire de trafic de voitures volées qui aurait mal tourné. Dans le véhicule du suspect, on a relevé un peu plus de 70 traces d'ADN. Et après analyse, il se trouve que l'une d'elles appartient à la tueuse fantôme. Face aux enquêteurs, le jeune homme affirme pourtant n'avoir jamais transporté de femme. Alerté du lien possible avec la fusillade de Heilbronn, le commissaire Frank Huber interroge à son tour le suspect. Après une audition de plusieurs heures, il doit se rendre à l'évidence, quelque chose ne tourne pas rond dans ce dossier. En effet, les 3 Géorgiens et le jeune Irakien étaient suivis par les services secrets allemands pour radicalisation et menaces terroristes. Que viendrait faire la tueuse fantôme dans cette affaire? Et surtout, quel serait son mobile? D'autant que dans les mois qui suivent, la tueuse réapparaît dans la région de la Sarre. Elle agresse sauvagement une sexagénaire qui faisait le ménage dans une cabane de pêcheurs. On retrouve ensuite son ADN dans la voiture d'une infirmière assassinée en bordure de forêt. À chaque fois, et comme on en a l'habitude, la tueuse fantôme ne laisse derrière elle aucun indice, aucun témoin, seules des traces ADN, comme toujours. Présente en Allemagne, la correspondante du journal L'Express, Blandine 1100, revient sur les interrogations qui planent autour de cette enquête. Qui est donc cette tueuse au parcours chaotique? Son profil, malgré un grand nombre d'affaires, ne semble jamais vouloir se préciser. Une chose est sûre, les pistes de travail partent dans toutes les directions. Elle a consommé ou vendu de la drogue, elle a fréquenté des individus appartenant à la communauté des gens du voyage, et elle a, à plusieurs reprises, trempé dans le commerce de voitures volées. Elle semble ne pas avoir de domicile fixe. On vient d'ailleurs de retrouver son ADN sur des gâteaux secs dans une caravane à Mainz, où elle a dû passer la nuit. On sait aussi qu'elle revient régulièrement à Heilbronn, à Fribourg et Linz, en Autriche. Comment expliquer de tels va-et-vient? Et surtout, faut-il y voir là le soutien dont elle bénéficie de la part de complices? De leur côté, les enquêteurs de la brigade criminelle ne veulent rien lâcher. Et ils sont même prêts à croire, après l'épisode du portrait robot, que la tueuse pourrait être une transsexuelle. Un an plus tard, au début de l'année 2009, la tueuse fantôme fait de nouveau parler d'elle. Cette fois, en Autriche. Lors d'une soirée arrosée, un jeune homme d'origine serbe est retrouvé mort dans les couloirs d'une discothèque de Linz. Sur ses mains, on relève des traces de sang. Et après expertise, on découvre que l'ADN est celui de la tueuse. Or, et c'est là que les choses se compliquent, les policiers autrichiens sont certains, vidéosurveillance à l'appui, qu'aucune femme n'était présente lors de la bagarre. Et encore une nappe de brouillard. Le commissaire Huber et ses hommes doivent se rendre à l'évidence. Il est possible que dans cette affaire, et que dans d'autres avant celle-là, les prélèvements ADN aient pu être contaminés. L'hypothèse demeure pour l'instant confidentielle, mais elle jette un profond malaise sur une enquête de plus d'un an et demi dans laquelle on a investi énormément de temps et d'argent pour n'obtenir au final aucun résultat. C'est dans ce climat de profonde remise en question que quelques semaines plus tard, la presse dévoile le poteau rose. De Depuis 16 ans, la police allemande traquait une tueuse en série baptisée le fantôme. Ses traces ADN avaient été retrouvées dans des dizaines d'affaires en Allemagne, en France et en Autriche. Or, la justice allemande vient de reconnaître que cette meurtrière n'a jamais existé. Mercredi 26 mars 2009. Sur son site internet, l'hebdomadaire Der Spiegel révèle que le ministère allemand de l'Intérieur vient de demander une enquête interne sur la fiabilité des tests ADN utilisés par la police. Les journalistes affirment, d'après une source proche du dossier, que les policiers estiment eux-mêmes s'être fourvoyés depuis le début sur une mauvaise piste. Car voilà plusieurs semaines que la rumeur d'une contamination des tests génétiques enflait au sein de l'équipe du commissaire Huber. Le policier en charge de l'enquête de la tuerie de Heilbronn depuis bientôt 2 ans ne s'en est pas caché d'ailleurs. En off, il avait confié à des journalistes. Vous savez, à part l'ADN, nous ne disposons d'aucune autre preuve qui relie cette personne au crime qu'elle est censée avoir commis. À cela s'ajoute le fait que sur les derniers dossiers dans lesquels son empreinte génétique apparaît, on se retrouve en contradiction totale avec les faits relevés sur le terrain. Quelques jours plus tard, le parquet de Heilbronn confirme l'hypothèse que beaucoup de policiers redoutaient. Les bâtonnets de prélèvement utilisés par la police scientifique étaient contaminés. En conférence de presse, le porte-parole du procureur de Sarrebruck, Bernd Meiners, s'explique. Il se peut que quelqu'un ait eu un contact avec le matériel d'enquête pendant la fabrication, l'emballage ou la livraison. Et la trace ADN a été reproduite ainsi. On est en train d'examiner cela et d'enquêter. Dans les jours qui suivent, on découvre, toujours par voie de presse, que ce serait une employée de l'usine de confection des tests ADN en Bavière qui serait responsable de ce pataquès, par inadvertance. Elle aurait glissé les bâtonnets dans leur sachet à main nue. Les faits se seraient déroulés au début des années 90, à une époque où les précautions autour de l'ADN et leur stérilisation n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Entre-temps, les lots de prélèvement souillés ont été conservés dans un entrepôt en attente d'être vendus. Une fois achetés, ils ont été distribués à différents départements de police scientifique, en Allemagne, en Autriche et aussi à la direction départementale de la gendarmerie du Jura, là où précisément se situe Arbois, la fameuse ville française où on a retrouvé la trace de la tueuse fantôme lors d'une affaire de cambriolage et de séquestration en 2004. Partout en Allemagne, ces révélations provoquent un début de polémique. Car depuis la fusillade de Heilbronn, une trentaine de policiers enquêtaient à temps plein sur l'affaire. Mobilisation à laquelle il faut ajouter celle des équipes scientifiques, de la cellule de profilage, des correspondants à Interpol, en Autriche, en France. Au total, plus de 200 personnes et plus de 16 000 heures de travail gâchées. Sans compter le coût astronomique des tests ADN réalisés dans le cadre de l'enquête. 3 700 prélèvements à 300 euros l'unité, eh bien, on arrive à 1 110 000 euros. Ouais, tout ça pour rien. Face aux journalistes, la chancelière Angela Merkel parle d'une honte pour l'Allemagne et pour sa police. Interrogé sur les conséquences de ces révélations, le ministre de la Justice du Bade-Wurtemberg affirme que de nombreux dossiers criminels vont devoir être rouverts. Désormais, toutes ces affaires vont être réexaminées une par une. Pour le meurtre de la policière d'Heilbronn, nous allons devoir tout reprendre à zéro. Ce n'est que 2 ans et demi plus tard, le 8 novembre 2011, que la police met enfin un nom et un visage sur les véritables responsables de la fusillade de Heilbronn. Dans la ville de Jena, une jeune femme qui répond au nom de Beat Schepe se rend aux autorités. Elle fait partie d'un groupe de néo-nazis. Elle est placée immédiatement en garde à vue pour un braquage qui a mal tourné quelques jours plus tôt. Lors de ses auditions, elle avoue que c'est bien elle qui, avec un complice, a tiré sur les policiers Michel Kiesewetter et Martin Arnold le 25 avril 2007 sur le parking de Theresienwiese à Heilbronn, le mobile de crime idéologique. En dépit de l'incroyable affaire du fantôme de Heilbronn, l'ADN reste aujourd'hui dans le monde la source la plus fiable de la police et de la justice. Mais est-on vraiment à l'abri de nouveaux scandales? Que se passerait-il, par exemple, si votre ADN était retrouvé sur une arme ou sur une scène de crime alors que vous étiez ailleurs? Je vous l'accorde, la question fait peur. Très peur. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'énigme de la tueuse sans visage, qui en a un maintenant. Ça s'est passé en Allemagne et nous allons en parler avec nos deux invités. Stéphane Bourgoin, bonjour. Bonjour. Écrivain, spécialiste des dossiers criminels et des tueurs en série. Votre dernier livre, L'Ogre des Ardennes, c'est Fourniret, bien sûr, hein, un sérieux client, celui-là encore, est paru chez Grasset au mois de novembre dernier. Et avec nous, en duplex des studios de France Bleu, Pays de Savoie à Chambéry, que nous remercions pour leur accueil, l'accueil de notre deuxième invité, Jacques Hébrard. Bonjour. Bonjour. Général de gendarmerie, vous avez participé à la création de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Vous êtes à Chambéry, dont je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas, si vous voulez réagir à nos propos, propos de Stéphane Bourgoin, à demander la parole, mais de toute façon, je vous la donnerai régulièrement pendant ces 20 minutes. Stéphane Bourgoin, vous avez beaucoup travaillé sur ces traques policières, qui s'étalent parfois sur plusieurs décennies, lorsqu'on recherche ce qu'on appelle un serial killer, dans le dossier qui nous intéresse, celui dit du fantôme de Heilbronn. Il s'agissait d'une prétendue tueuse en série. C'est pas si commun d'avoir affaire à une femme dans ce genre de dossier. Est-ce que ça a obligé les enquêteurs à raisonner de manière différente? Oui, tout à fait, parce que là, on avait toute une palette de victimes, d'âge et de sexe totalement différents. Alors que les femmes tueuses en série par rapport aux serial killers masculins représentent à peu près 12 à 15%. Mais leur nombre est, je pense, fortement sous-évalué. Elles se divisent en trois catégories. C'est les infirmières de la mort, comme Christine Malèvre, par exemple, ou du personnel en établissement gériatrique, comme récemment on a eu le jugement en appel de quelqu'un qui a tué des patients grabataires à Chambéry. C'est les veuves noires qui vont tuer leurs compagnons ou maris successivement, comme la veuve noire de Nice qui a été jugée récemment, Patricia Dagorn, ou la catégorie qui est, où je pense là le nombre est très sous-évalué, c'est les mères infanticides en série. On a en eu série. Oui, On a eu récemment le jugement en appel de Dominique Cottrel dans les Hauts-de-France, qui a été soupçonné de 9 meurtres de ses enfants, dont elle enterrait les corps dans son jardin, et qui a été condamné pour 8 d'entre eux. Et là, on s'aperçoit, quand je vous dis tout ça, c'est que ces femmes serial killers tuent quasiment toujours des personnes dans leur entourage proche, contrairement aux serial killers masculins. Donc on voit la difficulté à laquelle se sont heurtés les enquêteurs en Allemagne, en France et ailleurs pour cette affaire. Et elle tue quasiment toujours avec des moyens plutôt insidieux, poison, injection létale, suffocation, asphyxie ou strangulation. Mmh. Il y a très peu d'armes à feu. Très peu d'armes à feu. On a l'exemple, vous vous souvenez du film Monster où Charlize Theron a gagné l'Oscar à Hollywood, où elle interprétait cette tueuse lesbienne prostituée qui tuait ses clients avec une arme à feu, Eileen Wuornos. Mais ces cas sont extrêmement rares. Alors, on est un petit peu hors du sujet, mais je suis étonné qu'on mette des infirmières là-dedans, parce que souvent, si elles ont tué, c'était pour soulager des malades qui souffraient. Mais je sais que ça, c'est la morale qui parle, c'est pas le droit. Voilà, c'est pas le droit. Donc, oui, le droit ne reconnaît pas ça. Dans le cas de ces serial killeuses, en milieu hospitalier, il y avait une véritable volonté de désir de toute puissance et de contrôle des victimes. C'était pas pour du tout pour volonté d'euthanasie. Alors, comment procède-t-on lorsqu'on a affaire à une tueuse en série, où on pense que c'est une tueuse en série, on fait appel à des profileurs, comme c'est le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, on a ça aussi, j'imagine. Ah oui, au sein de la... Ce que vous venez de me dire, d'ailleurs, c'est le résultat de leur travail, j'imagine. Tout à fait. Au sein de la Gendarmerie nationale, d'ailleurs, avant le département des sciences du comportement, le DSC, où il y a une douzaine de membres qui sont à la fois psychologues et référents judiciaires gendarmes, étaient basés à Rosny-sous-Bois. Maintenant, ils sont installés à Pontoise. Et petit clin d'œil amusant, celle qui dirige l'unité, Marie-Laure Brunel, est une ancienne fan et lectrice de mes ouvrages, qui a eu la vocation ainsi de s'engager dans la gendarmerie. C'est pour ça qu'elle a été nommée, on a reconnu cette qualité-là. Jacques Évrard, général Évrard, l'ADN source d'une vérité scientifique est à la fois capable de mener à des fausses pistes, on l'a vu. J'imagine que c'est une exception, ce cas de Heilbronn, un cas rare, non? C'est d'autant plus une exception que de cette affaire-là, dans beaucoup de pays, on en a tiré beaucoup d'enseignements. Et en particulier, aujourd'hui, la traçabilité dans la fabrication des kits de prélèvement. Ce qui veut dire qu'effectivement, ces kits sont testés et que quand les enquêteurs les utilisent, il y a eu une traçabilité du produit. Quand on fait les appels d'offres pour les équipements, on vérifie les lots qui nous sont livrés. Ça veut dire que le risque que quelqu'un de totalement innocent soit embarqué dans la machine judiciaire et policière, la machine à broyer en l'occurrence, si elle est innocente, n'existe plus. C'est la question que je posais à la fin du récit. Elle n'existe. Je dirais pas qu'elle n'existe plus, mais ce que l'on fait aujourd'hui, y compris par exemple quand nous avons des scènes d'infraction graves, on peut éventuellement prélever les agents préleveurs eux-mêmes. Pour être sûr qu'il n'y a pas eu une contamination, parce que ceci pourrait être aussi envisageable. Et dans un laboratoire, c'est la même chose, on a des bases tampons, c'est-à-dire que les personnels qui travaillent dans les laboratoires et qui réalisent des profils génétiques, eux, sont introduits dans la base, et il peut toujours y avoir, normalement il ne doit pas, une erreur de manipulation qui pourrait créer une contamination, et celle-ci est décelable. Bien, alors revenons à la normalité, qui est heureusement la règle. On se demande, quand on voit les progrès de ce qu'on appelle la recherche scientifique pour la police, donc l'ADN en particulier, on se demande comment les enquêteurs travaillaient avant. Parce que c'était vraiment un tournant, une révolution dans le métier de gendarme et d'enquêteur en général, policier, gendarme, juge. Oui, tout à fait. Alors, donc, dans les débuts des années 90, il y avait surtout le fichier automatisé des empreintes digitales, et c'était l'empreinte digitale qui était bien souvent utilisée. Et c'est grâce à Alex Giffres, qui est un Britannique, qui a pu appliquer l'ADN à la criminalistique, que cette révolution a eu lieu dans la décennie 90-2000. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus une enquête où l'ADN n'est pas présente. Mais pour autant, il y a des précautions à prendre. Et pour que ce soit efficace, il faut toujours geler sa selle de crime et surtout faire des prélèvements avec une méthodologie avérée. Je cite souvent l'affaire Grégory, parce que quand on voit les images, cette affaire qui continue depuis des années et des années, on s'aperçoit qu'à l'époque, tout le monde est sur la scène de crime, tout le monde manipule les objets, il n'y a pas de préservation. Aujourd'hui, tout le monde peut voir à l'écran, quand il y a une scène d'infraction, les fameuses bandes jaunes qui délimitent un territoire, et des hommes qui sont en blanc, avec des équipements spéciaux pour justement prélever dans les meilleures conditions possibles, éviter des contaminations et placer sous scellé de manière réglementaire. Alors au cinéma, ça passe vite parce qu'il y a du montage, évidemment. Mais j'imagine que des prélèvements, tiens, sur une voiture, par exemple, on a eu ces deux policiers allemands, donc la policière tuée et son collègue grièvement blessé, donc c'était dans une voiture. Ça prend toute la journée. Combien de temps ça prend et comment fait-on dans le cadre d'une voiture, par exemple, comme ça? Alors ça peut être très variable, mais quand l'affaire est hypersensible, on peut aller jusqu'à explorer la totalité du véhicule, parfois même démonter des éléments pour aller chercher quelque chose à prélever ou quelque chose de pertinent. Donc là-dessus, la notion de temps est souvent liée à la particularité de l'affaire. Et quand c'est une affaire grave, on ne lésine pas sur les moyens mis en œuvre. Stéphane Bourgoin, Jacques Hébrard, on va écouter ensemble une archive. Au printemps 2018, aux États-Unis, un tueur en série dit le tueur du Golden Gate a été confondu grâce à son ADN. Bon, jusque-là, pas de surprise. Mais plus de 40 ans après les faits. Et ça donne une autre dimension de l'efficacité de l'ADN. Il était l'un des hommes les plus recherchés par la police américaine. Joseph James DeAngelo, 72 ans, pourrait bien être le tueur du Golden State, soupçonné dans les années 70 et 80 de 12 meurtres et 45 viols commis en Californie. Après 40 ans de traque, DeAngelo a été arrêté hier dans son pavillon de cette banlieue paisible de Sacramento. C'est son ADN qui l'a confondu. Nous avions commencé à le surveiller et nous avons pu récupérer un échantillon d'ADN. Nous avons alors pu confirmer ce que nous pressentions déjà. Nous avions notre homme. Pensez-vous, Stéphane Bourgoin, à partir de cet extrait d'archives, que grâce à l'ADN, on va pouvoir résoudre un grand nombre de ce qu'on appelle les cold cases, c'est-à-dire les affaires classé, parce que souvent, on n'a pas eu le choix, d'autre choix que de les classer. Oui, bien sûr. Et on a un exemple encore plus récent, il y a deux jours. Deux jours. On a arrêté aux États-Unis, mais ça n'a pas été annoncé dans les médias français, l'assassin d'un couple qui a commis son crime il y a 45 ans. Aussi grâce à un site ADN de recherche généalogique. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un citoyen aux États-Unis, vous prélevez votre ADN sur un bâtonnet, vous l'envoyez à un site de recherche, il y en a un, le plus célèbre est basé en Floride, et à partir de là, on va vous dresser un arbre généalogique de tous vos ascendants, descendants, etc., pour retrouver la trace d'ancêtres quelquefois oubliés. C'est comme ça qu'on a pu identifier James DeAngelo. Alors, j'aimerais d'ailleurs poser une question au général. Pensez-vous qu'un jour ou l'autre, on arrivera à un tel système en France de recherche pour cet ADN généalogique? Je vous autorise à poser la question. Jacques Hébrard. Je ne pense pas pour l'instant que ce soit vraiment à l'ordre du jour. Il y a effectivement beaucoup de perspectives qui s'annoncent par l'empreinte génétique. En particulier dans un futur peut-être proche, pouvoir déterminer l'âge d'une personne à partir d'une trace de sang et de son ADN, ou éventuellement dater une trace. Donc c'est des perspectives qui sont relativement importantes. Et pour le sujet que vous évoquiez tout à l'heure sur les cold cases, je dirais que c'est quelque chose qui arrive parfois assez régulièrement même, puisque vous pouvez très bien avoir une trace non résolue à l'intérieur du fichier. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui 500 000 traces non résolues à l'intérieur du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Et donc vous pouvez très bien avoir une trace non résolue. Un individu qui, par exemple, est pris pour un délit routier à grande vitesse, et ce délit va autoriser les enquêteurs à lui faire son profil génétique, et donc à le rentrer dans la base. Et à ce moment-là, et on a eu plusieurs fois ce cas-là, le fichier vous dit Nous avons dans la base une trace qui correspond à l'individu que vous veniez d'introduire dans la base. Mais d'un point de vue pénal, si on trouve un élément ADN, alors ce sera un supplément d'information, on appelle ça comme ça dans le langage judiciaire, un gros supplément d'information. Enfin, si ça arrive 40 ans après, entre-temps, il y a eu la prescription qui est arrivée. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Là, moi, je parle d'affaires qui ne sont pas rentrées dans le délai de la prescription. D'accord. Mais effectivement. Oui. Ça peut, il peut arriver que il y a un empiètement des temps judiciaires et oui, du temps réel. Hein. Tout à fait. Il est toujours facile, avec le recul, de critiquer la manière dont s'est déroulée une enquête. Dans le cas de Heilbronn, les policiers allemands ont fait avec ce qu'ils avaient, l'ADN. Mais est-ce qu'ils n'ont pas, pour autant, péché par excès de confiance sur la preuve de l'empreinte génétique? Auraient-ils dû s'interroger plus tôt et mieux sur certains faits presque rocambolesques du dossier qui montrait que ça pouvait pas être la même personne? Jacques Ebrard, qu'est-ce que vous en pensez? Aurait-on perdu Jacques Ebrard? Ah non. Oui, non. Vous êtes là. Non, je pense qu'il y a, quand même eu, il faut le dire, dans la décennie 2000-2010, une grande fascination pour l'empreinte génétique, où souvent on a fait un excès de confiance. Il faut revenir à ce qu'est une enquête. Une enquête, c'est un ensemble d'indices. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien entendu, quand elle est importante, prélever tous ces indices-là. Mais la police scientifique n'est qu'un auxiliaire de la justice. Et elle est surtout un auxiliaire du directeur d'enquête, celui qui va conduire l'enquête. Et donc, ça va être le rôle du criminalistique ou du spécialiste en criminalistique de dialoguer en permanence en fonction des éléments qu'il aura pu récupérer avec celui qui conduit l'enquête. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus faire une confiance aveugle à l'ADN. Et il faut toujours, quand on a un profil génétique qui est déterminé, le replacer dans le contexte de la scène d'infraction et essayer de comprendre pourquoi on a trouvé ce profil à cet endroit-là. Stéphane Bourgoin, j'imagine que vous acquiescez. Tout à fait, d'autant plus, on a un cas quelque peu similaire, pas d'une aussi grande envergure en France, d'un violeur en série qui était en libération conditionnelle, qui était devenu gardien d'immeuble, Jean-Luc Caillez, qui a agressé, violé une jeune femme dans les immeubles dont il s'occupait. Elle est morte assassinée, donc. Et il avait déposé un préservatif usagé qu'il avait récupéré dans les poubelles de l'immeuble, qui pointait du doigt donc l'ADN de la personne qui avait utilisé ce préservatif. Qui avait utilisé ce préservatif et qui c'est était diabolique. Tout à fait innocente. Et là, justement, l'enquête a démontré qu'il n'y avait pas que l'ADN qui pouvait pointer dans la bonne direction. Je note ce que vous me dites, ça fera l'objet d'un récit d'affaires sensibles. Dans une toute autre affaire, ce sera la dernière archive que nous écouterons ensemble, la disparition de la jeune Sophie Le Tan à Strasbourg, la procureure Yolande Renzi explique comment l'ADN a permis de confondre le suspect présumé. La perquisition opérée dans son appartement a amené, ou en tout cas a mis en évidence, l'existence de traces de sang. Malgré manifestement un nettoyage en profondeur et très récent des lieux. Dans l'urgence, le magistrat instructeur a demandé au laboratoire de la police de procéder le plus rapidement possible à l'analyse des prélèvements qui avaient été effectués par les enquêteurs, ce qui nous a permis d'apprendre hier en milieu de journée que l'ADN de certaines traces prélevées dans cet appartement était effectivement attribué à Sophie Le Tan. Voilà, donc l'efficacité de l'ADN. Jacques Ebrard, je crois que vous vouliez rebondir sur ce que nous disions juste avant la diffusion de cette archive. Non, je rebondissais sur ce que disait M. Bourgoin. Effectivement, c'est l'affaire des faux indices, des fausses preuves déposées est un véritable sujet. Et je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, d'où la nécessité de faire une analyse de l'emploi du temps des personnes qui sont éventuellement suspectées et vérifier si c'était compatible ou pas avec la situation de l'ADN retrouvée. Dernier exemple, vous avez travaillé, Jacques Ebrard, sur le dossier de l'affaire Flactif, la tuerie du Grand Bornand. Là encore, dans ce dossier, l'ADN vous a été précieux pour confondre le coupable. Oui, alors, sur plusieurs aspects, puisque dans la tuerie du Grand Bornand, M. Autier avait totalement nettoyé la maison, Mais effectivement, pendant 3 jours, c'est un exemple assez important à souligner, les enquêteurs ont cherché pendant 3 jours tous les indices dont ils pouvaient disposer à l'intérieur de la villa. Et en faisant ce travail-là, ils ont pu trouver entre 2 lattes d'un étage d'une chambre une trace de sang qui, bien entendu, n'appartenait pas aux 5 autres membres de la famille. Et cette trace de sang appartenait à l'auteur. Et dans cette affaire, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il avait totalement nettoyé la maison après avoir commis les faits et qu'on a fait réapparaître les traces de sang à l'aide de produits, un produit qui s'appelle le Blue Star, qui réagit avec les protéines du sang et qui a permis de relocaliser l'ensemble des individus qui étaient présents lors de la commission des faits. Et là aussi, on peut faire de l'ADN à partir de ces traces qui sont réapparues. Merci, en tout cas Jacques Ebrard. Merci Stéphane Bourgoin. Je rappelle le titre de votre livre paru très récemment, L'Ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Les derniers secrets de Michel Fourniret, c'est Grasset. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Heilbronn et l'ADN frelaté, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait, et je l'en remercie, Philippe Duclos.